Chapitre 15. Une fois là nous sortis, nous commençons à tourner en rond dans le bureau. Serge se plante le nez à la fenêtre, Louis se balance sur son siège. Quant à moi, je ferme les yeux et masse mon visage de mes mains, la tête penchée en avant. Soudain, les paroles de Louis tombent comme des pierres dans la pièce. « Je vais cuisiner Marceau. Pujol » appelle-t-il. « Voilà, » fait le zèle et Pujol. « Il est bientôt 5 heures. Allez me cueillir Marceau à l'Espérance, pour complément d'audition et ramener le nous. Ça urge. » Louis, est-ce que tu as fait vérifier l'emploi du temps de Sarah Baum pour le jour du meurtre de Béatrice? Ça va pas, non? Tu ne crois tout de même pas que... Louis, fais-moi plaisir. Ma carelle, c'est bien parce que c'est toi. Mais ne me dis pas ce que tu as derrière la tête, parce que tu vas m'embrouiller. Louis passe dans le bureau à côté. Je l'entends qui demande à ses hommes d'aller au lycée vérifier l'heure à laquelle est partie Sarah le jour du meurtre et de suivre ailleurs, si nécessaire. Et ne flânez pas, les gars! Je commence à avoir mon gonfle de cette affaire. » Puis il passe la tête dans le bureau et nous lance « Je reviens !» sans explication. Il revient effectivement armé d'une cafetière et d'une bouteille de pastis. « Le café c'est pour tout de suite, le pastaga c'est pour tout à l'heure, à moins qu'on ne sable le champagne, qui sait ?» Ce deuxième café, toujours aussi bon, nous redonne du tonus. Coup discret frappé sur la porte ouverte, Marceau fait son entrée. « Vous avez demandé à me voir, capitaine ?» « Oui, asseyez-vous, je vous en prie. Monsieur Marceau, nous savons que vous êtes étroitement lié au récent meurtre. » Sur la défensive, Marceau réagit tout de suite. « Et de quelle manière? Parce que j'appartenais à la bande du Cobra? Pas seulement. Parce que vous nous avez raconté des craques plusieurs fois, soit par omission, soit par pur mensonge. À nos yeux, vous n'êtes pas clair, si vous voyez ce que je veux dire. Vous n'avez rien contre moi, » affirme-t-il. « N'en soyez pas si sûr. Votre compagnon à nous est encore de nos murs, et vous savez que lui, il n'a plus rien à perdre, à part la vie. » Après un temps de marinade, Louis reprend. « Nous savons deux choses, monsieur Marceau. Primo, vous aviez des relations suivies avec Béatrice de Salvia, relations que vous nous aviez cachées. Vous saviez depuis le début la fonction de mes amis ici présents, renseignés par madame de Salvia. Secondo, Lanoux se préparait à assassiner Denise et avait écrit un billet l'annonçant. Or, quelqu'un d'autre que lui a accompli le crime, quelqu'un qui possède un tampon de serpent. Il ne reste que deux personnes susceptibles d'avoir commis ce meurtre, Sarah Baum, qui possède un alibi inattaquable, Louis ment, et vous, qui n'en avez pas. Par ailleurs, et là Louis ment encore, nous savons de sources sûres que vous étiez perdument amoureux de Marlène Baum. Ça fait beaucoup pour un seul homme, vous ne trouvez pas? Oui, et alors? Il vous reste à démontrer ma culpabilité? Ah, la belle affaire! « Vous êtes un peu trop sûr que nous n'avons aucun témoin, mon pauvre monsieur Marceau. »« Bon, qu'est-ce que je risque ?» fait Marceau d'un ton qui se veut détaché. Louis abat le plat de sa main sur son bureau, faisant sursauter tout le monde. « Voilà la chose qu'il ne fallait pas dire. Lorsqu'on est réellement innocent, une telle question ne vient pas à l'esprit. On ne vous apprend pas ça en psychiatrie. Vous voulez continuer à jouer au chat et à la souris? Pour voir à quel moment vous allez finir par vous allonger ?» Nous, on a tout notre temps, et en plus, on est payé pour ça. » Marceau garde quelques secondes le silence, puis il se lève, sort un paquet de clopes, un zippo de sa poche, et allume une cigarette. En se rasseyant, il murmure. « Vous permettez ? Personne ne fume ici, mais si ça peut vous aider, faites, je vous en prie. Si je vous raconte l'exacte vérité, est-ce que vous pouvez me jurer que vous me croirez ? Nous voulons bien croire à tout ce que vous voulez, monsieur Marceau. C'est le juge qu'il faudra convaincre ensuite. Moi, je prendrai votre déposition telle qu'elle. Écoutez, c'est un malheureux accident. Mais je suis tout de même coupable. Vous allez comprendre. J'avais décidé d'aller à Bréau en empruntant des vélos de l'établissement pour passer plus inaperçu. Car j'allais voir une amie, disons. J'ai donc laissé ma voiture à l'Espérance. Ma Porsche orange, tout le monde la remarque partout où je vais. J'enfilai un grand caouet et j'empruntai un des vélos de l'établissement. Lorsque Denise est redescendue de Bréau, je l'arrêtai un peu plus bas, presque au plan. Il flottait et je lui fais comprendre que j'avais crevé. Elle acceptait de charger le vélo dans son fourgon, l'air assez contente que j'ai besoin d'elle, moi qui ne lui adressais jamais la parole depuis 20 ans. J'ai monté la bécane dans le fourgon par l'arrière et elle a commencé à me balancer des sarcasmes. « Tu fais moins le fier, Toubib, quand t'as besoin d'une salope comme moi. » Tu vois, ça sert à quelque chose, les salopes. Allez, tire-toi du milieu que j'aille m'asseoir, je lui ai répondu. Si je veux, qu'elle m'a fait en se plantant de l'allée du camion. Ah, la garce. Je l'ai bousculée un peu fort, elle a dû glisser sur un bout de gras ou de jambon, allez savoir. Elle est tombée de tout son long et sa tête a violemment heurté l'arête métallique d'une marche. Son crâne a fait un drôle de bruit, comme une pastèque qui éclate et au regard vitreux qu'elle a tout de suite eu, j'ai compris qu'elle s'était brisée la colonne vertébrale. Son crâne a rapidement baigné dans une mare de sang. Je suis médecin et j'ai malheureusement compris qu'il n'y avait rien à faire. Elle était là, étendue au milieu des jambons et des saucissons. C'était pathétique. J'ai commencé à paniquer et à me demander comment me sortir du merdier où je m'étais mis. Même si la nuit était presque là, il était hors de question que je sorte du fourgon avec mon vélo au bord de la route. Je me suis donc mis au volant du camion en passant directement dans la cabine, en prenant bien soin de ne pas mettre les pieds dans le sang, et je suis remonté vers Bréau. En conduisant, mon cerveau marchait à 100 à l'heure. J'ai eu alors l'idée de maquiller l'accident crime, avec le modus operandi que m'avait raconté Julien un soir, qu'il avait un coup de trop dans le pif. Ça tombait bien. J'ai toujours sur moi le tampon du serpent après les clés de ma voiture, comme porte-bonheur. Regardez. Marceau sort de sa poche un trousseau de clés de bagnole attaché par un lacet de cuivre auquel pend le tampon percé d'un trou. J'ai garé le bahut dans une entrée abandonnée, l'arrière à l'abri des regards. Puis, selon le rituel instauré par le tueur, je l'ai marqué du tampon que j'ai trempé dans le sang, puisque je n'avais pas d'encre. Derrière le S, à la manière du premier tueur, j'ai écrit « Souillon », vu que Denise ne portait même pas de slip. J'ai bien vu que la roue du vélo avait baigné dans le sang, mais sur le coup, je n'ai pas pensé aux empreintes. Je me suis dit que la flotte allait laver tout ça. Ensuite, j'ai pu sortir sans qu'on me voie, et j'ai dévalé la route sous la pluie battante. Je crois bien que c'est le commissaire qui a failli me foutre en l'air au plan. Entre la pluie et la nuit, personne n'a pu me voir reposer le vélo, j'ai enlevé mes gants et suis fébrilement remonté dans mon bureau. J'ai éteint la lumière et j'ai repris ma voiture pour rentrer chez moi. En somme, notre accident coïncidait miraculeusement avec la préméditation d'un assassinat. Eh oui, je ne l'ai compris qu'après, quand j'ai entendu les sirènes des gendarmes passer et que le lendemain, j'ai lu l'événement dans la presse. Je sais que je peux être inculpé de non-assistance à personne en danger, bien que ce soit mort sur le coup, et d'avoir sciemment travesti la vérité. Mais sur le coup, je ne maîtrisais plus rien et mon cerveau a tourné à vide. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais pourquoi n'êtes-vous pas venu nous dire la vérité dans les jours qui ont suivi? Je m'y préparais. Quand il y a eu l'agression du commissaire, puis le troisième meurtre, là je me suis dit que je m'étais fourré dans un merdier monstre et que le mieux était de faire le canard. Continuez à dire la vérité. Vous avez une idée sur l'assassin du dernier crime? Je pensais que c'était Max, mais vous dites qu'il est innocent, ce qui me rassure d'ailleurs. Béatrice n'était pas blanc-bleu, vous le savez. Elle faisait des affaires à la manière de sa famille, sans scrupules et sans état d'âme. Quelqu'un a pu lui régler son compte en profitant comme moi de la conjoncture. Moi, grommelle Louis, vous allez passer à côté. Mes hommes vont enregistrer votre déposition et vous la signerez. Après, vous aurez affaire au juge. Attendez-vous tout de même à une condamnation. Sévère, vu votre métier. Prenez un bon avocat. Nous restons quelques secondes silencieux, chacun digérant la déclaration de Marceau. Moi, j'y crois à son truc, fais-je au bout d'un moment. Il est le seul à m'avoir vu monter à Bréau avec la Méhari. C'est un détail qui compte. Moi aussi, dit Serge. Ça sonne plein, son histoire. Elle correspond tout point aux faits et constatations. Attendez, mes petits. Ce n'est pas terminé. Ouvrez bien vos mirettes et vos portugaises. Pujol. Oui, mon capitaine. Ramenez-nous Marceau. Marceau entre de nouveau dans le bureau et jette un regard interrogateur. Rasseyez-vous, je vous prie. Il y a un ou deux points que je voudrais éclaircir. Oh, juste de rien. Marceau s'assoit et sort son paquet de clopes. Non, ne fumez pas. Expliquez-moi comment, avec un pneu crevé, vous avez pu redescendre de Bréau, sur une route glissante sous une pluie battante. Ben, bredouille l'autre. Louis le coupe immédiatement. Vous avez fait croire, Denise, que vous aviez crevé, mais c'était faux. Arrêtez de me prendre pour un con, je ne suis pas un de vos patients, moi. Marceau baisse la tête et ne répond pas. Maintenant, tout vive, dites-moi quand vous avez écrit le billet du pâté sur la machine de Lanoux. Allez, un peu de courage, une fois dans votre chaîne de vie. C'est Lanoux. Non, ce n'est pas lui. Celui-là est tellement abruti qu'il croyait couvrir sa femme. C'est toi qui as écrit le billet. La machine est pleine de tes empreintes. Tu as profité de l'atmosphère ambiante pour supprimer Denise. C'était ton intérêt. Marceau n'a toujours pas de réaction. Il est complètement prostré. Bon, alors je vais parler pour toi. Tu as tapé le billet chez Lanoux, un jour d'absence, vu qu'il ne ferme pas sa porte. Tu ne veux toujours pas parler. Alors on va continuer, mon petit père. Tu connais Victor Pradal? Non, je vais te rafraîchir la mémoire. C'est le comptable de l'Espérance. Tu vois où je vais en venir? Mutisme aggravé de Marceau. Eh oui, Pradal n'est pas si con qu'il en a l'air. Il avait déjoué des petits trafics de consultations facturées deux fois, d'argent détourné pour des installations qui ne se réalisaient jamais, des séminaires qui n'ont jamais lieu, des combines avec la direction, j'en passe, et des meilleurs. Eh oui, Pradal, un des amants attitrés de Denise. Il avait décidé de te faire chanter. Pradal, lui, ne pouvait pas se le permettre, car il tapait lui aussi dans la caisse. Mais quelqu'un d'extérieur au centre pouvait te faire cracher les ronds qu'il voulait. Alors, tu parles ? Toujours rien. Lorsque Denise est morte, Pradal a jugé de son devoir de venir tout nous raconter, car il se doutait que tu avais pu nous enfumer. En fait, si tu avais tout nié dès le départ, tu aurais eu plus de chances de t'en sortir. Mais monsieur a voulu nous la jouer à la régulière, et tu t'es enferré tout seul. Maintenant, ou tu avoues, ce qui plaît toujours au juge, ou tu continues à la fermer. De toute façon, on a suffisamment de charges contre toi pour se passer de tes aveux. C'est moi, lâche Marceau dans un murmure. Je lui ai tapé la tête sur la marche de la cabine, juste une fois, ça suffit. À la bonne heure, tu n'as pas dû y aller de main morte. Et l'autre abruti de l'anneau qui continue à prendre tout sur le dos comme un bourricot. Ah, j'oubliais. Tu as passé sous silence le coup de feuille de boucher qui dénote chez toi une certaine sauvagerie qu'appréciera le jury. Comme avocat, prends un ténor du barreau parisien. Sous la remarque de Louis, Marceau devient verdâtre. Louis appelle Pujol pour qu'il prenne cette fois les aveux de Marceau. Restés tous les trois seuls dans le bureau, Louis nous regarde attentivement, un éclat victorieux dans l'œil. « Alors, les Marseillais ?» Terme dit avec emphase. « Vous êtes en suquet, vous ne dites rien ?» Finalement, je romps notre silence. « Louis, tu es une bordie. Tu nous as caché tout ça. C'est dégueulasse de ta part. »« Oh, ça va, hein ? Il fallait bien que je vous ménage un peu de suspense. » Et puis que je vous montre que les gendarmes ont l'air quelquefois de dormir et d'annoncer leur coup 30 ans à l'avance. Mais nous aussi, nous savons être secrets, fouinards et dissimulateurs. « D'accord, tu remportes la donne. » Mais reconnaît que le gars n'était pas très coriace. Ouais, c'est un petit joueur, mais quand même. Je l'ai laissé parler tout à l'heure pour qu'il se rassure, et pof, je te l'ai empégué pour l'estocade. Louis, très content de lui, tient à fêter sa victoire. Il nous reste à élucider le troisième meurtre, les Belous. Allez, quelle heure est-il ? 7 heures ? L'heure du berger ? Nous allons changer de breuvage, dit Louis. Nous sommes tous assez contents de l'après-midi. Je vais chercher des glaçons. Alors que nous sirotons notre pastaga, sur les regards gênés des hommes de Louis, Pujol se pointe à la porte et racle sa gorge en guise de sonnette. « Excusez, mon capitaine. J'ai les renseignements sur l'emploi du temps de Sarah Bohm. Je vous... » fait-il entendant une note manuscrite. « Non, non. Allez-y, mon vieux. Allongez-vous. Nous sommes en famille. » Eh bien voilà. L'assassinat eut lieu à 6 heures, quasiment précise. Sarah Bohm est partie du collège à 17h30. Il pleuvait. Et le concierge s'en souvient bien, il lui a proposé un parapluie, ce à quoi elle a répondu qu'elle avait ce qu'il fallait. À 18h, elle avait un cours de gym à l'Espérance. Le libraire l'a vu passer devant sa vitrine aux alentours de 18h avec un parapluie. Elle venait de sa gauche, a-t-il précisé. Donc elle sortait certainement de la rue du Four après être passée chez la marchande de légumes. Elle a dû rentrer chez elle. C'est la porte à côté du libraire, à droite de la vitrine quand on est dans le magasin. « Ouais, ça ne nous donne pas grand-chose, » souffle Louis. « Et la marchande de légumes là-dedans ? » ?»« Attendez, mon capitaine, » dit Pujol en baissant les yeux. « Ma femme m'avait demandé d'acheter une salade. J'en ai profité pour poser des questions. »« Ben, dame, bien sûr, » rétorque Louis. « Bon, et alors ?» La marchande de légumes, derrière les halles, s'est souvenue que la femme Bohm était venue chez elle acheter des tomates dans cette plage horaire. Ce qui l'a choqué, c'est que Madame Bohm dégoulinait d'eau. Elle lui a proposé un parapluie et l'autre a accepté volontiers. D'après la vieille, il était 17h50, parce que Madame Bohm a regardé sa montre et a dit « Déjà 6h10, je ne serai jamais à l'heure à mon cours. » De là, elle a dû emprunter la rue du Four. Sortir sur le quai et rentrer chez elle en passant devant le libraire pour se changer avant d'aller au centre. « Oui, bon, la rue du Four, on avait compris, Pujol. Vous savez à quelle heure elle est arrivée à l'Espérance ?» je demande. « Oui, elle est arrivée avec presque une demi-heure de retard. » « C'est tout ?» interroge Louis. « Oui, mon capitaine, c'est tout ce qu'on a pu glaner. »« Merci, Pujol. Vous avez fait vite, c'est bien. Vous pouvez quitter votre service. Je ne pense pas encore avoir besoin de vous. Et j'oublie la salade. » De nouveau seuls, tous les trois, nous piquerons olives et cacahuètes que nous a descendu Paula. « Qu'est-ce qu'elle a fait de 5h30 à 6h10 ? Il faut juste 5 minutes pour aller du lycée à son domicile, » interroge Serge. Pourquoi refuser le parapluie du concierge alors qu'elle est arrivée trempée chez la marchande de légumes ? Elle a dit qu'elle avait ce qu'il fallait, dis-je. Elle était peut-être en voiture et a été faire une course. Ensuite, elle a garé sa voiture et, tête nue, a été invitée chez la vieille. Ouais, c'est bizarre tout de même. Elle a mis plus d'une demi-heure pour se changer et aller au centre. Elle a dû passer ailleurs avant d'aller à l'Espérance. D'après les renseignements, elle ne pouvait pas être dans l'église à 18h, dis-je. Ah. Enfin, tu te décides à nous dire que tu la soupçonnes fortement, s'exclame Louis. On avait bien la même idée tous les trois, mais ça coince. Encore quelques longues secondes se passent où seuls les chuintements de nos lèvres, aspirant le pastis, troublent notre réflexion. Moi, dis-je, il y a toujours cet ouvrier en ciré que j'ai vu quand nous sommes arrivés qui m'intrigue. C'est la seule personne qui était dans la rue à ce moment-là, et comme Béatrice était encore chaude, l'assassin n'a pas pu se planquer au plafond de l'église tout de même. Il est peut-être sorti par la sacristie, mais ce brave curé l'aurait vu. Ou alors il était planqué dans le confessionnal, propose Serge. Impossible, Serge. Nous étions juste à côté du confessionnal, et si quelqu'un en était sorti, il serait tombé sur nous. Et de toute façon, nous l'avons ouvert, ce confessionnal. Il était vide, avec des piades dedans, des traces humides de semelle. Ce qui signifie qu'effectivement, l'assassin a pu s'y planquer, mais avant son crime, pas après, précise Louis. Moi, dis-je, chaque fois que j'ai vu Sarah, elle avait un grand sac de sport. Pourrais-je mettre un parapluie ? Demande Serge, ironique. Non, je réponds, pas un parapluie. Mais pour la soirée, je n'en dirai pas plus, car le pastis commence à me troubler la comprenette, et de plus, je commence à avoir la dalle. Bon, dis-je, il faut réfléchir. Tu viens, Serge, on remonte. Les femmes doivent se demander où nous sommes passés. Il faudra que tu installes un téléphone dans ton mât, Louis. Ça nous éviterait des engueulades. De retour à Molière, l'accueil est assez froid et pour nous faire pardonner, il faut que nous racontions l'après-midi palpitant que nous venons de vivre avec force détail pour captiver Nobel. Dès la tête sur l'oreiller, dans le noir, je commence à échafauder les scénarios les plus tarabiscotés. Il faut que je rende à Louis la monnaie de sa pièce. L'honneur de la police nationale est en jeu. Je sais par expérience que dans le fatras et les méandres des idées, à un moment donné, surgit la solution qui ensuite se précise et s'épanouit, telle la vérité sortant du puits. Vers 2h du matin, j'ai soudain l'impression d'être en plein jour. « Ça y est, j'ai trouvé. Bingo !»« Arrête de parler en dormant, » fait Gilda dans un demi-sommeil, après m'avoir secoué un peu fort. Le lendemain, dès 9h, je suis opérationnel. « Je descends faire les courses, » je déclare, plein d'entrain. « Je viens avec toi, » continue Serge. « Bon, » fait Sylvia, « puisque vous êtes si décidé, nous allons faire les usines de lingerie. Vous allez vous occuper des courses, des gosses et de la bouffe. »« D'accord, mais vous nous laissez le minibus alors. » Et nous voilà partis avec Serge, faisant des recommandations à son fils. « Attends-moi pour traverser, ne pars pas tout seul. » Et patin couvain, moi, le panier de Lisa d'une main, la poussée dans l'autre. « Vous vous rendez compte, à mon âge. »« Conduis, bah. » dis-je à Serge, je m'occupe de la gosse. 10 minutes plus tard, je demande à Serge d'emprunter à petite vitesse la rue de l'église qui conduit à la place des Halles. Je tourne ma tête de tous les côtés, demande même à Serge de stopper devant une ruelle minuscule, la rue du Pouzadou. Allez, continue, maintenant, va jusqu'à la place. Qu'est-ce que tu cherches, tonton ? Demande Ludo. T'inquiète, tu verras. Arrivé sur la place, je sors la poussette et dis à Serge, viens, on va chez la marchande de légumes. Ah. « Ça va venir, je sens, » se marre Serge. La vieille nous accueille avec un sourire bienveillant. Le fait de m'occuper de ma gamine m'attire toujours la sympathie des dames. « Je voudrais vous demander quelque chose, madame. Un renseignement d'une importance primordiale. Venez, je préférerais que nous ne restions pas dans le magasin. » Intriguée, elle me fait passer dans l'arrière-boutique, moi poussant toujours ma gamine qui commence à babiller. « Je vous écoute. » « Voilà, hier vous avez eu la visite d'un gendarme. » « Oui, » fait-elle, commença à s'inquiéter. « Ce gendarme a oublié de vous poser une question. Oh, juste un détail. »« Et alors, vous allez me poser des questions, vous autres aussi, et pourquoi je vous répondrai ?» Et là, je fais quelque chose que je ne devrais pas faire, mais tant pis, il n'y a pas d'autre moyen. Je sors de ma poche arrière ma carte tricolore et la mets rapidement sous le nez de la dame. « Ah » fait-elle en hochant la tête. « Est-ce que vous vous souvenez des chaussures que portait Madame Lanoux quand elle est venue chez vous ?»« Ah oui, elle avait des bottes. » Mais pas de parapluie, alors qu'il tombait des cordes. Ça m'a semblé bizarre, mais les professeurs le sont toujours un peu. Avez-vous remarqué si elle avait un sac ? Oui, un grand sac de sport. Elle y a mis les tomates. Bien, vous avez l'heure sur vous ? Oh non, j'ai pas de montre. J'ai la pendule ici. Et puis il y a le clocher qui sonne. Vous savez, j'ai pas besoin d'une montre. Eh bien voilà, c'est tout. Merci beaucoup, vous êtes très aimable. Et pour noyer le poisson, je me penche vers Lisa et lui dis « Fais risette à la dame pour lui dire merci. » Ce à quoi ma fille répond par un gazouille qui ravit la vieille. « Quelle est belle, cette petite !» Sur le ton de la confidence, je lui glisse. « Ceci reste entre nous. Il ne faudrait pas créer d'ennui à Madame Lanoux, » dis-je sur un ton de mystère. « Je comprends, ne vous inquiétez pas. » Sorti du cafouche de la vieille, j'aide Serge à acheter quelques fruits et légumes et nous prenons la direction de la gendarmerie, laissant la vieille tout de même perplexe. « Allons-y à pied, ça promènera la petite. » C'est peu dire que j'entre en triomphateur dans l'édifice des forces locales de l'ordre. « Tu t'y prends toi pour susciter une vocation chez ta fille ?» s'exclame mon copain. « Ça y est, je sais !» je laisse tomber d'un ton docte, en tendant l'index en l'air. Avant de t'écouter, je vous annonce que mes hommes travaillent vite et bien. Nous avons saisi les lettres qui se trouvaient au domicile de Béatrice. Son écriture est bien celle du premier billet, voire du mot écrit sur la cuisse de Colette. Mais il y a mieux, regardez ça. Il nous tend une lettre qui commence ainsi. Ma chérie, je crains bien que tu aies fait une énorme connerie. Nous savons bien toutes les deux que le paradis n'existe pas, mais pour le coup, tu t'en es définitivement interdit l'accès. J'ai toujours su que tu n'aimais pas que moi, mais aller jusqu'à tuer par amour... Mon admiration pour toi n'en fait que grandir. » Suivent quelques détails qui nous font comprendre en termes sibyllins qu'il s'agit bien de l'assassinat de Colette. « Voilà, s'il nous fallait une preuve, nous l'avons. En tout cas, je vous garantis que la Claire Cécile de Bargas va avoir des démêlés avec la justice. Bon, maintenant je t'écoute, mon beau. Tu es au courant de ce qu'il va nous sortir, toi » demande-t-il à Serge en me désignant. « Eh non, mais j'ai une vague idée. Allez, Gino, accouche. » Je passe dans le bureau de Louis et prends ma fille sur les genoux pour stopper la sérénade qu'elle vient d'entamer dans un moment important. Tout en tressautant pour bercer la gosse, je leur explique mon hypothèse. Sarah est sortie de son collège à 17h30. Elle n'a pas pris de parapluie parce que dans son sac, elle avait un ciré qu'elle a enfilé à l'abri des regards une fois dans le parc. Après, elle a pénétré dans l'église, peut-être 2 ou 3 minutes plus tard, et s'est planquée dans le confessionnal en attendant Béatrice. Elle savait que tous les vendredis, un peu avant 6h, la grenouille du bénitier venait fleurir l'autel des âmes du purgatoire, juste à côté. C'est le sacristain qui me l'a dit. Seulement, ce jour-là, Béatrice a eu un peu de retard. À travers le grillage du confessionnal, Sarah observait sa victime et l'accueillit dès qu'elle l'a pu. Elle a de la force, Sarah. Et l'autre n'a même pas dû pouvoir se débattre. Pas un cri, pas un murmure. La dame noire contre la dame blanche. Puis... Dès son forfait accompli, elle se glisse hors de l'église, le capuchon rabattu sur le visage. Il était -5 quand on tombe nez à nez avec elle. « Mais pourquoi a-t-elle fait ça ?» demande Louis. « Espère, tu comprendras tout à l'heure. » Je continue. Elle enfile la rue de l'église, c'est là que je l'ai vue. À gauche, dans la rue du Pousadou, elle se dévêt de son ciré qu'elle replace dans son sac de sport. Il n'y a jamais dégain dans cette rue, surtout quand il pleut. Mais il lui faut quelqu'un qui témoigne qu'à 6h, elle ne pouvait pas être à l'église. Elle se rend donc chez la primeuriste et lui joue la comédie de l'heure. En réalité, il est 6h légèrement passées, mais elle annonce, alors qu'elle sait très bien que le marchand n'est pas à un quart d'heure près, qu'il est 6h-10. Un témoin pourra certifier qu'elle était dans son magasin et que de là, elle est rentrée chez elle. Nous allons refaire une perquise à son domicile et on trouvera bien ce bon Dieu tiré. « Mais Fada, dit Serge, tu ne crois pas qu'elle l'a gardé précieusement, ce truc ? Une fois utilisé, elle a dû le balancer quelque part. Tu ne vois rien chez elle, pas même ses bottes. » Le problème, c'est qu'avec un bon avocat, mon raisonnement ne tiendra ni la route ni la distance. Nous n'avons aucune preuve tangible. Le seul moyen, c'est qu'elle passe aux aveux. Testarde comme elle est, on y sera encore dans un mois. « Moi, j'ai peut-être une solution, » dis-je. « Ça fait combien de temps que tu gardes la noue ? » ?»« Ça fait 22h, à peu près. » Je ne vais pas pouvoir le garder longtemps encore. Bon, ça devrait suffire. Qu'est-ce que tu proposes ? Envoie un de tes hommes avec une convocation prévenant Sarah que son mari a été innocenté des 2 premiers meurtres, mais qu'il est inculpé d'assassinat sur la personne de Béatrice. À mon avis, il devrait se passer quelque chose. Je veux bien essayer, mais il faut que ça marche tout de suite, sinon on est marron. Du temps qu'elle arrive, je vais changer la petite chez toi. Vous ne sentez pas ce doux fumé qu'elle répand ? Parvenue chez Louis, Paula se charge bien évidemment de changer la petite. « Alors, c'est pas encore fini votre histoire ?» me fait-elle. « Avec un peu de bol, la fin c'est pour tout à l'heure. Tu vas être un amour, Paula, Gardons la petite juste un moment, mais surtout ne dis rien à Gilda, d'accord ? Allez, dégage, Bello, me dit-elle pour toute réponse. De retour en bas, j'ai juste le temps de me faufiler pour entrer dans le bureau de Louis avant Sarah qui vient d'arriver. « Vous avez besoin de vous faire aider maintenant ? » fait-elle en nous désignant Serge et moi. « Ouh là là ! C'est mal parti. Je sens qu'elle va faire sa tête de cochon, et c'est loin d'être gagné. » Louis traite sa remarque par le silence et la prie de s'asseoir. « Madame Lanoux, nous avons de fortes présomptions sur la culpabilité de votre mari dans le meurtre de Béatrice de Salvia. Je suis désolé de vous l'apprendre, mais le juge va certainement l'inculper. » Silence radio de la part de Sarah. Juste une pâleur nouvelle sur les lèvres, mais le visage reste impassible, les yeux tristes et éteints. Vous n'avez rien à nous déclarer à sa décharge ? Il faut essayer de l'aider. Vous n'auriez rien à boire, s'il vous plaît ? Oui, oui. Louis appelle Pujol. Thé, café ? Demande-t-il. Je préférerais juste de l'eau. Nous avons ça. Bien, fait Louis en se calant dans son fauteuil. Votre mari n'a pas d'alibi pour le moment du meurtre. Par ailleurs, nous avons aperçu, s'éloignant de l'église, juste quelques secondes après le crime, une personne s'éloignant rapidement, vêtue d'un grand ciré noir de chantier. Et là, Louis fait dans le grandiose, mille fois plus putassier que moi. Ciré que nous avons retrouvé chez lui. J'ai été heureux de le disculper des deux premiers meurtres, mais là... Pourquoi dites-vous qu'il est innocent des deux premiers crimes ? Fait-elle en buvant une gorgée. Le premier crime a été commis par Madame de Salvia et le second est l'œuvre de Paul Marceau. Pour Madame de Salvia, nous avons les preuves et pour Denise, Marceau a avoué. Vous voyez, Max Lanoux était innocent de ces deux crimes, mais pour le dernier, ce n'est apparemment pas le cas. Beaucoup de détails semblent l'accabler. Il avait toutes les raisons d'en vouloir à Madame de Salvia, en dehors, bien évidemment, de la mort de votre sœur qui est de l'histoire ancienne. Il est aussi innocent du troisième crime, dit Sarah dans un souffle. Cette seule phrase nous procure des fourmis dans tout le corps. Louis attend, mais rien d'autre ne vient. Il est donc obligé de reposer une autre question. Vous avez l'air d'en être bien sûr. C'est moi qui l'ai commis. J'ai envie de crier ma joie comme quand l'OM met un but. Ah, ça c'est nouveau, fait Louis. Quel tartuffe. Il faut nous donner des précisions, car on pourrait croire que vous cherchez à le couvrir. D'une certaine façon, je l'ai couvert, oui. Disons que j'ai tué Béatrice à sa place, parce que je sentais que je n'arriverais pas à l'empêcher de le faire. Soudain, sans un bruit, sans une moue de chagrin, deux perles roulent sur ses joues, comme les larmes des statues miraculeuses. J'étais persuadé que c'était lui qui avait assassiné Colette et Denise. Il peut être très violent et j'étais sûr qu'il avait commis ses crimes pour nous venger. Il aime les énigmes, les jeux de pistes, et j'ai tout de suite pensé reconnaître sa marque dans ses meurtres. « Pourquoi n'es-tu pas venu trouver les gendarmes ?» je demande. « Si ta femme avait commis un crime, tu serais allé la dénoncer à la police ?» Je baisse la tête pour cacher mon émotion. Sarah ne peut pas savoir que je me suis effectivement trouvé dans cette situation, et évidemment je ne dis rien. « Oui, » dit Louis à voix basse, « ça je peux le comprendre. Mais vous n'avez pas eu de discussion avec lui ? Vous ne lui avez rien demandé ? Mais si !» Mais que vouliez-vous qu'il me réponde, sinon qu'il était innocent, puisque c'était le cas ? Et vous ne l'avez pas cru ? Non ! C'est là que réside ma plus grande faute. Je l'aime comme une folle, et je ne lui ai pas fait confiance. Ce qui va m'arriver est bien fait pour ma gueule, dit-elle dans un sanglot. Le pauvre, j'ai tout raté. Je n'ai jamais su l'aimer. Calmez-vous, je vous en prie. Lui non plus n'a pas su vous aimer. Vous avait-il mis au courant de ses ennuis financiers ? Vaguement. Mais je pensais qu'il cherchait à me protéger. Nous sommes mariés sous le régime de la communauté. Je crois qu'il ne voulait pas que je paye ses dettes. Eh bien, c'était mal parti pour ça. Mais revenons à l'élimination de la femme de Salvia. Comment avez-vous procédé ? J'ai essayé de prévenir Gino pour lui demander conseil. Je pensais que c'était quelqu'un qui pouvait garder certaines choses pour lui et qui connaît ce genre d'affaires. Mais Max m'a pressenti et s'est mis en travers de ma route. C'est pour ça qu'il t'a assommé, Gino, pour me laisser fuir et que je ne parle pas. D'accord, mais comment en êtes-vous arrivé à tuer Béatrice ? J'étais sûr que Max allait la liquider également. Mais j'en avais marre de ces crimes de sang, et pour vous dire la vérité, j'étais certaine qu'il avait complètement pété les plombs. Je me suis dit que le mieux était de la tuer proprement, sans effusion de sang. De cette façon, Max n'aurait pas à le faire. À votre avis, à part la mort de votre sœur, quel automobile avait votre époux de tuer Béatrice ? Elle a toujours été amoureuse de lui, et paradoxalement, elle lui vouait une haine farouche, parce qu'il n'a jamais voulu répondre à son attente. Dernièrement, il m'avait parlé d'un projet dans lequel elle voulait l'embarquer, ou l'anéantir, s'il ne marchait pas dans la combine. Vous pouvez nous raconter brièvement comment ça s'est passé ? Je suis sorti du lycée avec dans mon sac de sport un ciré de chantier que j'avais chouravé à l'Espérance. Il pleuvait assez fort, et le concierge m'a proposé un parapluie que j'ai refusé. Parvenu dans la rue du Pousadou, j'ai enfilé mon ciré, le capuchon rabattu, et je suis entré dans l'église sans rencontrer personne. Je me suis caché dans le confessionnal. Il devait être 6h moins le quart. Normalement, Béa devait arriver sous peu. J'ai dû poireauter près d'un quart d'heure, en risquant d'être découverte. Finalement, elle est arrivée juste avant 6h et dès qu'elle a été seule, je l'ai étranglée rapidement, sans bruit. En sortant, j'ai failli tomber sur vous et je me suis enfui par la rue de l'église. « Je t'ai vu, » dis-je, « avec le ciré. »« Je sais, je m'en suis douté. » Si Béa était arrivée à l'heure prévue, je ne risquais rien, mais là, il me fallait maintenant un alibi. J'ai enlevé mon ciré dans la rue du Pousadou et je suis entré chez le marchand de légumes. J'ai pensé qu'elle pourrait témoigner qu'avant 6h, j'étais chez elle. Je lui ai fait croire qu'il était 17h50 et je suis rentré chez moi. Et après ? Après, il a fallu que je me change complètement. J'étais trempé jusqu'aux os. Ça m'a pris du temps. Sur la route, j'ai jeté le ciré dans un fossé et je suis arrivé à l'Espérance avec une demi-heure de retard. Je ne savais pas que Max en avait un aussi. Et pour cause, il n'en avait pas. Mensonge professionnel de Louis. Où as-tu caché le tampon ? Les perquises n'ont rien donné ? Je demande, par curiosité. Je ne l'ai jamais caché. C'est pour ça que vous ne l'avez pas trouvé. Dans la chambre de mes parents, les habits de prière de mon père étaient suspendus avec son phylactère. En regardant de près, vous auriez vu que ce n'était pas une petite boîte, mais c'était le tampon peint en noir avec un lacet passé au travers. Je suis certain que Serge, Louis et moi éprouvons tous les trois le même sentiment, une immense compassion pour Sarah, mêlée de la désolation de voir sous nos yeux toute une vie s'écrouler. Si seulement nous pouvions revenir en arrière et l'aider à ne pas commettre l'irréparable. D'ordinaire, les quiproquos peuvent générer des situations comiques. Rien n'est plus tragique lorsqu'ils amènent à la catastrophe. Car en fait, entre Sarah et son mari, tout n'a été qu'une série de rendez-vous manqués, de non-dits, de suppositions. L'entente et la clairvoyance leur auraient peut-être permis de deviner immédiatement quel était le serpent qui rampait, visqueux et calculateur, pour mieux en serrer ses proies. Mon coup de bluff est réussi, mais je suis loin d'en être fier. Si c'était à refaire, je n'irais rien pour sauver Sarah. Après tout, son crime peut passer pour un acte juste. J'espère qu'on saura les reconnaître des circonstances atténuantes. Quant à Louis, il s'est débrouillé comme un chef qu'il est. À la limite, je dirais même qu'il peut m'en apprendre sur l'art de mener la conversation. Discrètement, je récupère le panier de légumes et monte l'escalier du logement de Louis. J'entends derrière moi les pas de Serge. « Eh ben ça y est, elle me fait peine, tu vois, » me dit-il. « Finalement, c'est une histoire d'amour. »« Arrête tes conneries. Allez, Bouleg, qu'on manque se faire agonir par nos femmes. » Durant le repas, nous racontons au fil la sombre et triste histoire du couple Lanou avec la méchante fée Carabosse de Savia et l'éternelle tentation du serpent. Il y a des gens comme ça qui ont tout pour réussir, mais dont la vie n'est qu'un parcours labyrinthique qui les attache au malheur, comme le forçat son boulet. Combien sont ceux qui cheminent ainsi côte à côte dans l'existence, sans jamais se rejoindre, prisonniers de leur névrose, de leurs présupposés ou simplement de leur manque de courage. Sur le coup de 22h, Louis et Paula débarquent, chacun portant une bouteille de champagne. D'entrée, Paula nous annonce qu'elle repart avec nous. Personne ne sait quelle contenance adopter face à cette nouvelle, surtout Gilda. « Non, mais ne fais pas cette tête-là, » fait Paula, « c'est pour mieux préparer notre union. » Et à se sceller pas, précise Louis, j'en irai la patate d'ici. Je fais valoir mes droits à la retraite et je viens ensuite rejoindre mon trésor au bord de la Méditerranée. L'année prochaine nous reviendrons, mais en automne, pour les champignons et la chasse. Chouette, fait Ludo, on pourra faire du feu dans la cheminée. Ouais, et on fera la brazoucade avec les châtaignes, tu verras comme ça pète. Au bout d'un moment, nous ne pouvons faire autrement que de revenir aux événements qui nous ont occupés pendant presque un mois, volant à nos familles des instants précieux. Heureusement que nous avons des femmes compréhensives et tolérantes. Finalement, dans cette affaire, il n'y avait qu'un seul être vraiment maléfique, froid, calculateur et diabolique, Béatrice de Salvia. Elle a réussi, grâce à une mise en scène géniale, à nous amener là où elle voulait, créant une atmosphère de psychose dans laquelle chacun a évolué en jouant le rôle qu'elle lui avait assigné, nous y compris, ainsi que la population. Par-ci, par-là, elle a semé de quoi entretenir le suspense, en captant dans ses associations et à la paroisse. Telle une sorcière, elle a jeté dans sa marmite les sucres et les ingrédients abjects qui, par leurs effluves méphitiques, ont infesté toute la bourgade. Qui sait s'il n'a pas été d'une façon ou d'une autre l'initiatrice de l'assassinat de Denise, remarque Serge. Ce qui m'étonne, moi, c'est qu'elle n'ait pas prévu qu'elle allait être prise à son propre jeu. Elle devait bien se douter qu'elle finirait par y passer, ou sinon, dit Louis. Peut-être que son égo surdimensionné lui faisait croire qu'elle était à l'abri du danger couru par le commun des mortels. Ou alors, répond Serge, elle attendait avec délectation d'être à son tour immolée, avec l'espoir d'être enfin violée. Qui sait ? En tout cas, le seul fait de n'avoir pas déguisé son écriture dès le premier billet prouve qu'il y avait chez elle un tempérament un peu suicidaire. Oui, qui est l'ossa ? Au fait, Louis, j'ai gardé un tampon, en souvenir du Vigan. Mais je m'en tamponne de ton serpent. Ainsi s'achève, du serpent on s'en tamponne, par Jean Darrigue.